south of the tree. Once upon a time, in the Piedmont of the Pyrenees, there's a pierre alone in the dark. There's a Yann alone in the dark too. Two people sentient on the road again, the road again. Alone in the dark. A bone to look at each other. The quality. Thank you. si calme que je ne saurais être. J'aimerais être aussi calme, posé. S'étoffe d'une guitare, d'un piano. Orientation céleste qui va prendre le dessus. Capable d'orienter des sessions. Il nous manque un drummer. Vers qui orienter nos orientales sessions? Ok. Une création comme je les aime. Truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe, sans qu'on ne vous parlez pas. Mon ami, je t'entends pas assez. Capable de création. Voilà les bonhommes dans ma création. Voilà les bonhommes dans ma création. Ouais. Capable de créer des gros sons, d'envoyer des lignes de basse, des bonnes mélodies à la grâce aussi. Je kiffe le son, sans parler du clavier. Ah, je t'entends pas assez, mon frère. Voilà notre création, ici et maintenant, à jamais. On commence, on sait pas quand on finit, mais ici et maintenant, voilà notre création. Ninja Seychelles. Jusqu'au cerveau. you very much. Between time and space, continents, I got a lot of feelings between my free. Yeah, yeah. Yeah! Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Let's go.